moi prendre les activités de cette journée consacrée au e-commerce. Alors, nous avons trois interventions cet après-midi. Nous allons démarrer évidemment par la première, ce qui paraît assez logique. Donc, Arnaud Skornicki, ici présent, qui a publié donc récemment L'économiste à Corée et la patrie, l'économie politique dans la France des Lumières. Et sa présentation sera commentée par Francine Markovitz, professeur émérite à notre université, qui a publié beaucoup de choses, évidemment, L'ordre des échanges, Montesquieu, le décalogue sceptique, etc., qui aura donc la parole. Alors, l'idée, c'est bien 20 minutes. Plutôt 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes, 20 minutes pour le commentaire. Alors, 30, 15, et puis le reste du temps, la parole sera à la démocratie. Très bien, merci, monsieur le Président. Alors, la focale que je vais adopter sera peut-être un petit peu plus large que par des interventions de ce matin. Peut-être que du coup, je perdrai en précision, mais je gagnerai en vision panoramique sur ce thème, ce topos du commerce. J'aimerais, en repartant un petit peu de Hirschman, mettre à l'épreuve le modèle hirschmanien de l'opposition entre passion et intérêt, en le confrontant notamment à quelques résultats plus ou moins récents de l'histoire intellectuelle, et notamment de l'histoire de l'économie politique du XVIIIe siècle, et un petit peu au-delà. J'insiste un petit peu plus sur l'économie politique française que je connais davantage. Et j'essaierai aussi, si j'ai le temps, d'aller un peu au-delà du XVIIIe siècle en parlant un peu de la destinée de ce topos après la révolution industrielle et après la révolution française, après cette double révolution dont parle l'historien britannique Eric Hobsbawm. Et notamment chez Marx, je voulais même aller jusqu'aux théories marxistes de l'impérialisme, à l'âge des empires, mais je crois que je n'aurai pas le temps de faire ça. Et j'aurais perdu encore plus en précision. Je crois que le modèle heuristique, le modèle, comme on dirait, hirschmanien de l'opposition passion et intérêt doit être considéré comme une manière de poser les termes du débat, d'un débat d'histoire intellectuelle, et à ce titre comme un modèle beaucoup plus heuristique et idéal typique, plus qu'une thèse à proprement parler qui se vérifierait partout. De même, estimer raisonnablement que on l'a vu déjà un petit peu avec Hume, que le thème du commerce, qui s'opposerait à la guerre ou aux passions martiales, est beaucoup plus dissonant. Si on gratte un petit peu la réalité de l'histoire intellectuelle réelle, si je puis dire. Et ce schéma d'opposition guerre-commerce, passion-intérêt, ou chevalier-entrepreneur, ou féodalité-modernité, doit donc être pris pour une sorte de boussole dans la recherche, plutôt que pour la réalité idéologique des lumières économiques. À ce titre, ce modèle heuristique mérite d'être interrogé, relativisé, fortement amendé, si l'on considère la variété des positions des économistes, entre mille guillemets, parce que ce n'est pas une profession au XVIIIe siècle, des Lumières sur la question des rapports guerre-commerce, ce qui interdit de les assigner à deux pôles strictement antagonistes, me semble-t-il. D'abord parce que Hirschman ne tient pas tellement compte des théories économiques dites mercantilistes, mais cette catégorie est sujette à caution elle-même, qui sont plutôt sinon bellicistes, du moins indexées à une certaine pensée de la puissance et de la guerre, qu'on pourrait un peu trop commodément opposer au pacifisme des libéraux. De même, parmi les économistes des Lumières réputés défendre la liberté du commerce selon l'expression consacrée de l'époque, certains ont une analyse extrêmement ambivalente ou intermittente, pour faire référence au titre de mon intervention, des effets naturels, comme dirait Montesquieu, du commerce sur les rapports sociaux, en particulier sur les rapports internationaux, je parlerai plutôt des rapports interétatiques. Je ferai surtout référence à cette dimension-là du commerce. Donc on peut se poser la question si chez ces penseurs de l'économie, si la liberté du commerce est forcément pensée, envisagée comme étant à même d'accomplir le vieux projet de paix universelle lancé par l'abbé de Saint-Pierre, dont je ne parlerai pas plus que cela. L'abbé de Saint-Pierre lui-même éminent précurseur de l'économie politique. Alors, traditionnellement, si je me réfère par exemple au livre d'Edmund Silberner, La guerre dans la pensée économique, livre de 1939, on oppose rigidement le bellicisme des mercantilistes, hein, se traduirait par une politique d'appropriation des métaux précieux pour obtenir une balance du commerce positive, favorable, qui serait la seule mesure de la puissance économique relative d'une nation sur la scène européenne. Il serait impossible à une nation de s'enrichir sans ruiner les autres. Donc le commerce serait la guerre continue par d'autres moyens, et même, parfois par les mêmes moyens. On peut mentionner les guerres de commerce ou d'argent de la France contre les Provinces-Unies, impulsées par Colbert, la guerre de la ville d'Augsbourg, soutenue en Angleterre par un économiste et penseur politique néo-machiavélien Charles Davenant. Et néo-machiavélien, ça c'est le qualificatif de John Pocock. Ou la guerre anglo-hollandaise aussi de 1664-1667, qui a marqué l'œuvre de Joseph Child dans A New Discourse of Trade de 1665. Il n'est pas sûr d'ailleurs que tous ces auteurs soient strictement mercantilistes, mais je laisse de côté ce point. Quant au pacifisme des villes imputées aux libéraux, cette position se résumerait à estimer qu'au fond que la guerre déjà paralyse le commerce, détruit l'économie, paralyse les échanges, alors que le commerce tend à substituer une passion au fond rationalisable, l'appât du gain, l'intérêt, à la quête de la gloire, qui est typiquement aristocratique, et de plus à rendre interdépendantes les nations. On verra cependant que, premièrement, me semble-t-il, l'économie politique des Lumières est très ambiguë sur cette question. Je voudrais parler même des économies politiques des Lumières, notamment sur la question du rapport du commerce et de la guerre. Le commerce, même chez Montesquieu lui-même, hein, ça a été abondamment montré par plusieurs éminents ou éminentes spécialistes de Montesquieu ici présents, deux. Le commerce peut bien avoir des effets civilisateurs, mais semble loin d'exclure la guerre, complètement. D'exclure d'autant moins que parfois on est l'intérêt du commerce, en général, tend à se confondre avec l'intérêt des commerçants qui n'ont pas toujours intérêt à la liberté du commerce, et qui ont même parfois intérêt à inciter l'État à user de la violence pour capter les marchés étrangers. Ça, on verra ça chez les physiocrates, et aussi chez Adam Smith, qui de ce point de vue me paraît très proche des physiocrates, mais je pense que les spécialistes de Smith ici présents pourront en dire plus. Deuxième moment, l'occultation relative du sens du topos du commerce à partir du XIXe siècle et après Adam Smith me semble peut-être dissimuler des formes, disons, méconnaissables de retour, de rémanence du topos du commerce, en particulier chez Marx, ou voire dans les thèses sur l'impérialisme, les thèses marxistes sur l'impérialisme, statut suprême du capitalisme, qui aurait été, même si je n'aurais pas le temps d'en parler, à l'origine de la Première Guerre mondiale. Alors, mon propos va se décliner à peu près en ces deux points. D'abord, donc, sur les ambiguïtés du commerce dans l'économie politique des Lumières. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur une catégorie qui est discutée par ailleurs, mais que je vais essayer de prendre avec des pincettes tout le temps. Prenant des libertés, d'humanisme marchand ou commercial, ça dépend des traductions, qui provient de Pocock, hein, dans Vertu, Commerce et Histoire, qu'il faut d'abord considérer moins comme une doctrine constituée que comme une langue politique qui prend forme au tournant du XVIIIe siècle, même un petit peu avant, en Angleterre, en Écosse, en France et sans doute ailleurs. Je crois que c'est attesté par quelques recherches proprement historiques récentes, qui sont allés voir, y compris les discours des marchands, des tribunaux du commerce, des négociants, notamment en France. Cet humanisme marchand commercial peut être considéré schématiquement comme un prolongement d'une forme d'humanisme civique. Alors, c'est pas la peine de mettre Aristote, hein, comme le fait Pocock dans le débat par ailleurs, hein, mais comme une tentative au fond de concilier le commerce et la vertu, le marchand ou le négociant, ce qui n'est pas exactement la même chose, et l'honnêteté ou la probité, de rendre honorable, voire noble, dans le débat français, c'est le cas de la noblesse commerçante en 1756, et moralement désirable la quête rationnelle du profit, de réhabiliter, somme toute, la figure du commerçant, ou du moins du négociant, en particulier le grand négociant international. Réhabiliter donc l'intérêt au détriment de la passion, de la gloire, considérée comme le trait distinctif, ou l'honneur, hein, encore, dans le vocabulaire de Montesquieu, le trait distinctif des sociétés aristocratiques et monarchiques. Et je crois que dans cette langue politique, par ailleurs protéiforme, on a une manière d'affronter la nouvelle réalité centrale des sociétés d'Ancien Régime, à savoir ce qu'on avait coutume d'appeler les progrès du commerce, et en particulier du commerce international et transatlantique, que un historien américain, Paul Cheney, appelle, moi je traduis un peu comme ça, une sorte de proto-mondialisation, au risque de l'anachronisme, certes. Et je crois que cette langue politique d'humanisme marchand a particulièrement véhiculé le thème du commerce. Alors, Montesquieu a contribué en partie à l'importer d'Angleterre, même si ce n'est pas une création purement anglaise, écossaise, sans y souscrire entièrement, avec toute l'ambiguïté et l'ambivalence de Montesquieu sur ce point. Et c'est, je crois, surtout cependant un groupe d'économistes, hommes de lettres, administrateurs du milieu du XVIIIe siècle, réunis autour de l'intendant du commerce Vincent de Gournay, qui a particulièrement plaidé pour faire place au point de vue du marchand, pas exclusif d'ailleurs, un point de vue du marchand, j'allais dire, porté à la généralité de l'État et du bien public, le groupe de Gournay ayant bel et bien contribué, comme l'a montré Catherine Larère dans la leçon d'économie, même si peut-être je ne la suivrai pas jusqu'au bout sur ce point, a contribué à diffuser le thème du tout commerce après Montesquieu, tout en essayant de constituer une science de l'économie qui soit autonome, ce que ne fait pas Montesquieu, me semble-t-il, et qu'ils appellent la science du commerce ou le commerce politique. Ainsi, le jeune Turgot, qui d'une certaine manière a fait partie à un moment donné de ce groupe de Gournay un peu informel, le jeune Turgot, dans son éloge de Gournay de 1759, parle des principes doux de la liberté du commerce. Il faut d'ailleurs préciser la liberté du commerce. Et il ne cesse par ailleurs, si je puis faire ce parallèle, de louer la douceur de caractère de son maître Gournay, hein, qui était donc l'un des deux maîtres en économie politique de Turgot avec quelle émotion. Je crois que, pour moi en tout cas, le principal, le plus grand disciple, en fait, à proprement parler, en dehors de Turgot, qui est à part de Gournay, c'est quelqu'un comme Véron de Forbenay, que j'appellerais Forbenay, qui a un peu le même profil, hein, un ancien négociant qui est devenu inspecteur de facture. Bon. Donc qui a intégré les sommets de l'État, disons, enfin, de l'administration économique centrale du royaume, sous Louis XV. Forbenay, dans un certain nombre de textes des années 1750, attribue à l'expansion du commerce mondial l'heureuse révolution dans la politique et les mœurs. Il déclare « Depuis environ un siècle, l'esprit de calcul a plus contribué au bonheur de la terre que l'avait fait la leçon de tous les philosophes dans tous les siècles précédents. Il a en quelque sorte multiplié les liens de chaque société particulière en perfectionnant les arts. Les besoins introduits par les arts ont forcé ces sociétés à communiquer davantage entre elles. » Si j'essaie de comprendre ce qu'il dit, entre autres choses, au fond, l'esprit de conquête qui serait propre à une société féodale, militaire, comme le grand royaume de France, dans ses traditions monarchiques, a fini par reculer au fil des siècles, hein, en raison de l'instabilité constitutive dans laquelle cet esprit de conquête, motivé par la recherche de la gloire et de l'honneur, place la nation dominante, comme la France, qui serait toujours plus exposée à la multiplication des ennemis. La vraie gloire des princes ne passe donc plus par l'expansion ou la victoire militaire, mais par le bonheur des peuples. C'est exactement le même genre de remarque qu'on trouve aussi dans les discours politiques de Guillaume. Au fond, la gloire du prince repose sur la prospérité et l'amélioration, disons, du bien-être collectif, plus que sur la gloire de la patrie. En ce sens, Gournay et ses amis, ses compagnons, souscrivent, je dirais, au projet, à la finalité, disons, colbertiste, sans rejoindre ses moyens d'ailleurs, d'accroître la puissance de l'État par le commerce. Mais le groupe de Gournay ne mise pas sur les provisions, les taxes douanières, mais sur une certaine liberté du commerce, d'ailleurs qui n'est pas absolue, forcément absolue et illimitée, contrairement aux physiocrates, ce qui sera un point de discorde entre Forbonnet et les physiocrates une dizaine d'années plus tard. Je parlerai aussi des physiocrates pour montrer qu'il y a, une vraie, ligne de fracture hein, bon, dans l'économie politique française. Comme dit Forbonnet, la concurrence étrangère est, je cite, l'âme et l'aiguillon de l'industrie. Il serait dangereux de le restreindre. En ce sens, la politique économique de Gournay et de certains de ses disciples ne se montre pas agressive ou belligène, contrairement à celle de Colbert de 2014, et qui prennent acte de la passage de la rivalité politique à la forme de concurrence économique qui, à défaut de supprimer la guerre des affrontements internationaux, doit les limiter. Alors, ça ne veut pas dire que le modèle de la guerre soit totalement absent de la science du commerce. Le commerce, au fond, ne fait que déplacer les rivalités internationales sur le terrain de la lutte commerciale, ce qui est déjà un progrès certainement. Montesquieu lui-même, ainsi que Hume, estime qu'une nation commerçante, comme l'Angleterre, est porté à la jalousie. Jalousie de la prospérité des autres, au point que, comme dit Montesquieu à peu près, elle pourrait s'affliger davantage de la prospérité des autres que de la sienne propre. Et ce qui peut pousser l'Angleterre à la guerre. Ça s'avérera tellement vrai que, je crois, il est mort en 1755, Montesquieu, semble-t-il, un an après, va éclater la guerre de 7 ans. Il sera une catastrophe pour la France. Bon. De ce point de vue. Gournay lui-même est très limpide sur ce point, puisqu'il considère que le commerce est le principal levier de la puissance politique. C'est une guerre continuée par d'autres moyens, qui adoucit peut-être les rapports de force interathlétiques, mais dans la mesure où il en constitue la sublimation. Car la guerre, je cite, la guerre se faisant aujourd'hui, plutôt par l'opposition de richesses de nation à nation, qu'en opposant homme à homme. À la limite, le négociant apparaît. Apparaît comme le nouveau soldat d'une guerre devenue économique, et en ce sens, le commerce politique de Gournay se situe dans la droite lignée des pensées de la raison d'État, semble-t-il, même si par ailleurs il se distingue du colbertisme par peut-être une plus grande confiance accordée aux marchands, à la liberté économique, même si par ailleurs il est pour une forme d'acte de navigation à la française, une sorte de vision anti-protégeur protectionniste, mais on pourra y revenir si vous voulez. Et il a une conception des relations internationales moins centrée sur l'hégémonie française ou la monarchie universelle sur une forme d'équilibre européen, ce qui est un tout autre paradigme, me semble-t-il. J'ajouterais que pour Gournay ou Forbonnet, on ne peut pas faire totalement l'impasse sur la dure, pas la douce, réalité des rapports entre États que le doux commerce ne pourra jamais entièrement éliminer. Donc l'intérêt ne peut jamais entièrement éliminer les passions. De ce point de vue, ils sont dans un paradigme beaucoup plus réaliste. L'une des obsessions de Gournay, c'est de contrer la montée en puissance de l'Angleterre, qui repose largement sur son expansion commerciale. En ce sens, comme dit Forbonnet ou d'autres à sa cité, la balance du commerce est véritablement celle du pouvoir. Donc la position économique relative d'une nation détermine sa position, sa puissance politique dans le concert des nations, dans le concert européen. Ce qui est intéressant, c'est que pendant la querelle de la noblesse commerçante, qui a été lancée par l'abbé Coyer lui-même, proche du groupe de Gournay, Forbonnet va y prendre part. Et il considère que peut-être le commerce polie les mœurs publiques, les mœurs quoi, mais il ne rend pas pour autant forcément innate à la guerre et au conflit, et ceci dit contre ceux qui accusent comme quelqu'un comme le chevalier d'Arc, qui est un représentant éminent de la réaction aristocratique, disons. Chevalier d'Arc reproche à ceux qui veulent faire de la France une nation commerçante, comme on disait à l'époque, d'abolir le caractère national français fondamentalement militaire et chevaleresque. Donc, ça signifie que l'argument du doux commerce était retourné contre les partisans du commerce, de la liberté du commerce et de la noblesse commerçante, et que ce commerce n'est pas seulement doux, il est mou, si je puis dire, il est amollissant. À quoi Forbonnet répond dans sa lettre à Monsieur F, c'est Monsieur Frérot en fait, que ceux qui croient qu'un État marchand, il a ici, je le cite, hein, il y a, non, c'est Forbonnet qui cite le Chevalier d'Arc. Hein. Un État marchand doit naturellement craindre la guerre et désirer la paix. Forbonnet répond que ces États, c'est-à-dire l'Angleterre ou la Hollande, je cite, ont entrepris plusieurs guerres coûteuses et sanglantes en Europe dans des vues de commerce. Le commerçant, fin citation, le commerce peut donc autant être source de paix que d'occasion de faire de la guerre. Guerre d'argent peut-être, plutôt que de conquête, mais guerre quand même. Si je fais un pas de plus, même s'il ne me reste plus déjà beaucoup de temps, la deuxième partie sera très brève. On peut dire que le commerce a comme effet naturel pour Gournay ou Forbonnet de civiliser jusqu'à la guerre elle-même. Ça n'énigme pas la guerre, mais ça civilise jusqu'à la guerre elle-même. Le groupe de Gournay n'opposant pas strictement intérêt et passion et n'entendant pas substituer entièrement les premiers aux secondes. Alors déjà, Jean-François Melon, dans son essai politique sur le commerce, alors j'avais noté que c'est 1634, mais Mme Markowitz m'a fait remarquer, c'était une autre date. 36. 36, bon, alors d'accord. Merci, merci, Mme Markowitz. Melon en propose l'esprit de conquête à l'esprit de commerce, mais il fait remarquer que le commerce constitue le fondement de la puissance politique des États modernes. Simplement, le commerce, l'esprit de commerce plutôt, porte moins à la guerre offensive, hein, de conquête, qu'à la guerre défensive. C'est-à-dire porte à ce qu'il appelle l'esprit de conservation. Donc c'est une guerre limitée, quand même. À sa suite de Melon, Forbonnet estime que le commerce demeure foncièrement civilisateur par contraste avec l'âge gothique. Il civilise même la guerre. Il civilise jusqu'à l'usage de la violence, l'usage organisé de la violence et armée entre États. Le commerce n'éteint pas la force, n'éteint pas l'usage de la force, mais le polie, le discipline et limite même l'escalade de la violence. Et tout le projet de la balance de l'Europe et du commerce est destiné non pas à supprimer la guerre, mais à la limiter dans le temps. En intensité, à la subordonner à des objectifs politiques et commerciaux. Ça, c'est le bon côté du commerce. C'est cet esprit de calcul qui rationalise jusqu'à l'action militaire. Je cite Forbonnet, si l'esprit de calcul n'a pas corrigé les passions des hommes, donc ça fait un petit peu pendant à la première citation, s'il n'a pas détruit l'ambition, il a réformé le plan de sa politique. Ce ne sont plus les conquêtes, le carnage et l'effroi qui décident de la supériorité d'un empire, c'est le bonheur de ses sujets. Ami de la paix et de la liberté, puisqu'il ne subsiste que par elle, il assure aux hommes les deux premiers biens dont ils puissent jouir. La politique nouvelle des nations n'a donc pour objet que de l'attirer à l'envie par des secours puissants, que de la fixer par des faveurs constantes, et si cet intérêt les divise quelquefois quand même, l'équilibre et la paix sont le but nécessaire de la victoire. Donc même la paix reste à l'horizon de la guerre en cas de guerre de commerce. Tout ce rapport, c'est l'Angleterre qui reste effectivement un modèle à suivre. Cette république commerçante, même si c'est apparemment une monarchie, mais c'est juste une apparence pour Montesquieu, par exemple. Une thalassocratie d'envergure mondiale qui a civilisé les autres nations et s'est civilisée elle-même en développant le commerce, les sciences et les arts. Alors, juste pour la plaisanterie, mais un petit peu, j'ai trouvé une citation de Hegel dans la philosophie de l'histoire qui ne dit pas autre chose 50 ans après environ. C'est un collage brutal et délibéré de textes. L'existence matérielle, ça c'est Hegel, hein, de l'Angleterre est fondée sur le commerce et l'industrie. Et les Anglais se sont chargés de cette grande fonction d'être sur toute la terre les missionnaires de la civilisation, car leur esprit commercial les pousse à fouiller toutes les mers et tous les pays, à nouer des relations avec les peuples barbares, à éveiller en eux des besoins et de l'industrie, et surtout à établir chez eux les conditions du commerce, à savoir la cessation des violences, le respect de la propriété et de l'hospitalité. Fin de citation. Donc les hommes font leur pensée, mais ils ignorent habituellement à quel point ils sont pensés eux-mêmes, et ça vaut pour l'un des plus grands esprits qui soit, comme Hegel. Alors, il ne reste plus que 5 minutes. 5 minutes, mais je pense que je vais dépasser un petit peu. C'est pas très grave, on peut aller jusqu'à 40 ans. C'est l'organisateur qui dit ça. Comme c'est l'organisateur qui a désigné le président ne peut rien faire. Il y a une hiérarchie des pouvoirs aussi. C'est énorme. Je voulais en parler un peu de la physiocratie de Smith rapidement. On trouve chez les physiocrates une critique en règle, sinon l'humanisme commercial, qui évidemment ils ne connaissaient pas comme tel, comme l'humanisme commercial, mais de la science du commerce, voire du tout commerce, qui est une vision du commerce qui est fondée aussi sur une conception valorisante de la sociabilité marchande. Le marchand vertueux, ça se voit par exemple dans la production théâtrale, je pense au marchand de Londres, de Lilo, bon. Le grand négociant qui serait vertueux d'ailleurs par frugalité, honnête et propre par intérêt d'ailleurs, et même patriote. Même patriote, ce serait le fort de l'angle, faire de l'angle du patriotisme. Mais selon notamment Quesnel, alors je crois qu'il vise en fait Gournay et ses collaborateurs, considère qu'ils ne rompent pas assez radicalement avec le modèle belliciste, disons, qui anime malgré tout, selon lui, leur théorie économique et qu'ils voient dans l'idée de balance du commerce. Je cite le dialogue sur le commerce, du commerce. Hein. Cessez, mon cher ami, d'envisager le commerce entre les nations comme un état de guerre et comme un pillage sur l'ennemi, et persuadez-vous enfin qu'il ne vous est pas possible d'accroître vos richesses et vos jouissances aux dépens d'autrui par le commerce. Fin de citation. Donc pour Quesnel et les physiocrates, il faut débrouiller la confusion commerce et marchand. L'un, et négociant en particulier, l'un peut effectivement porter indirectement à la paix, mais les autres tentent à y pousser. Et le commerce, rigoureusement entendu, il a essayé de faire une clarification conceptuelle, c'est toujours un échange d'équivalents entre vendeur et acheteur, et non pas la profession du négociant qui n'est qu'un intermédiaire, qui ne recherche que le profit. Bon. Le commerce lui-même a cette fameuse thèse de la stérilité du commerce, c'est un peu bizarre, mais le commerce est une activité qui ne produit rien par elle-même, et à la limite ce n'est qu'un pis-aller, le commerce international qui doit d'abord servir finalement à fixer le juste prix du marché européen. C'est précisément parce qu'il est inutile d'espérer s'enrichir au détriment des autres nations, inutile de s'en remettre au commerce extérieur et aux négociants, pour que le commerce, précisément, doit bénéficier d'une liberté entière et illimitée. Cette démonstration économique est plus complexe, même si ça doit nuire aux négociants. Donc les physiocrates sont à la fois beaucoup plus radicalement favorables au libre-échange et à la concurrence, et beaucoup plus critiques à l'égard du thème du commerce, ou du moins de la sociabilité, douce sociabilité marchande, me semble-t-il. Et ce qu'ils visent, bien sûr, c'est les grandes sociétés de commerce coloniales, finalement patronnées par l'État et accaparées par une poignée de marchands privilégiés. Et finalement, c'est ces négociants-là, c'est ces négociants-ci qui poussent à la guerre quand elle abonde dans leur sens. Au contraire, la France doit faire fructifier son patrimoine et son terroir. De ce point de vue, j'insiste pas là-dessus, j'ai plus le temps, il y a aussi, notamment chez Montesquieu, déjà dans La vie des hommes, c'est avant sa conversion à la physiocratie, mais quand même, mais aussi plus tard, Marquis de Mirabeau, le père du comte, une critique de ce que Mirabeau lui-même appelle le système mercantile, expression que Smith, me semble-t-il, va reprendre. Ou un autre physiocrate mineur, disons, l'abbé Roubaud, estime que Montesquieu se trompe en croyant que les nations qui ont traité l'Amérique comme objet de commerce, plutôt que de conquête, étaient plus sages. Il considère que leur motif était aussi corrompu. L'Angleterre elle-même, si souvent citée en exemple par Gournay et ses amis, n'était pas la preuve, selon Quesnel et les physiocrates, qu'une république commerçante est irrésistiblement portée à pratiquer la guerre contre ses rivales par, comme disait Hume, jalousie commerciale. C'est-à-dire à convoiter les marchés dominés par la grande puissance de l'époque, à savoir la France. Donc là, c'est la guerre qui sert les intérêts de l'économie des marchands. Et le commerce n'en apparaît pas plus doux. Alors c'est la raison pour laquelle, j'insiste pas sur ce point par manque de temps, Quesnel et physiocrates valorisent beaucoup plus l'agriculture, par ailleurs, ils affichent un cosmopolitisme tout à fait remarquable et radical, qui est même en rupture avec le modèle de l'équilibre européen, profit plutôt, notamment chez les Merciers de la Rivière, de l'idée d'une confédération européenne, où, comme dit l'abbé Baudot, les principes des philosophes économistes, ça c'est les physiocrates, sont essentiellement cosmopolites. Et je crois qu'Adam Smith, même si moi, presque plus tard, on a fini les arrêts de jeu, là. Au revoir. Alors, très vite. Alors, je connais beaucoup moins Smith, alors ça m'arrange, du coup. Mais je crois que Smith rejoint en moins en partie les économistes, les physiocrates, sur cette critique du système mercantile. Le commerce est une chose, le marchand une autre, encore une fois, et cette collusion des élites, des négociants, des dirigeants politiques a produit en Angleterre ce système mercantile critique au livre 4 de la richesse des nations, qui menace plus sûrement la paix entre les nations que la liberté naturelle des échanges. Juste une petite citation. Le commerce qui devrait être naturellement un trait d'union, un lien d'amitié entre les nations comme entre les individus, est devenu la cause qui produit le plus de discorde et d'animosité. L'ambition capricieuse des rois et des ministres n'a pas été, durant ce siècle et précédent, plus fatale à la tranquillité de l'Europe que la jalousie mal placée des marchands et des fabricants. Plus loin, la jalousie mercantile exacerbée envenime la violence de l'hostilité nationale en même temps qu'elle est alimentée par elle. La différence, c'est que Smith, par ailleurs, se prononce clairement en faveur de la commercial society, la société marchande commerciale. J'insiste pas sur ce point, et pour aller très vite sur la deuxième partie que je ne vais pas traiter, ou pas vraiment, on peut se demander quelle est la postérité de ce topos du commerce après la révolution industrielle, après, comme dirait Hirschman, le capitalisme à son apogée, après le triomphe au moins partiel du marché autorégulateur. Après donc le 18e siècle, alors, et notamment aussi l'expansion coloniale des grandes puissances capitalistes, avec son cortège de violence, de conquêtes brutales, etc. Il se trouve que, et ça, Hirschman en fait la remarque dans Les Passions et les Intérêts, que Marx fait parfois référence de manière très ironique au commerce, dans sa correspondance ou dans le Capital. Déjà, bon, par ailleurs, c'était une citation qu'a faite Catherine Larère, l'expression « les eaux glacées du calcul égoïste » qu'on trouve dans le manifeste, qu'on trouve aussi, je crois, plus tard, aussi dans le Capital, est déjà une critique du commerce, peut-être au niveau des relations entre individus, disons, entre groupes sociaux. Marx lui-même semble rejoindre la thèse de du marché destructeur, hein, donc la thèse inverse, mais bon, la vérité c'est que c'est que quand il parle du commerce de manière sarcastique, c'est du sarcasme, mais que par ailleurs, quand il traite du commerce international et de l'expansion du commerce international, qui est une forme d'expansion du marché mondial et donc de la domination de la bourgeoisie, là il bascule dans un raisonnement beaucoup plus dialectique qui entend montrer qu'au fond, cette expansion du commerce, aussi destructrice soit-elle, a au moins le mérite de détruire soit les vestiges de la barbarie asiatique, soit les vestiges de la féodalité, et de préparer les conditions donc d'une véritable révolution sociale et prolétarienne. Par ailleurs, il est effectivement pour le libre-échange, je vais conclure. Merci, M. le Président. Déjà, pour ce qui concerne l'économie politique des Lumières, si on gratte, si je puis dire, le lieu commun du commerce pour voir ce qu'il y a en dessous, on constate que la thèse du tout commerce n'équivaut pas strictement à une position en faveur du libre-échange, à proprement parler, ni à un pacifisme mélant. Le commerce est tenu pour doux, pas seulement au sens de pacifique, mais au sens de civilisateur, mais sont utiles. Et on sait que les moyens de la civilisation ne sont nullement exclusifs de la violence et de la brutalité. Deuxième conclusion, plutôt sur aujourd'hui, postérité aujourd'hui, est-ce qu'on en est sorti? Alors effectivement, on a insisté ce matin, un peu moins dans la production Catherine Harrer tout à l'heure, sur l'éternel retour de Stopos. Je suis effectivement surpris par la résurgence du lieu commun du commerce, notamment à l'ère de la dite mondialisation ou globalisation, néolibérale en partie. Qui est fondée sur le libre-échange, l'ouverture progressive des frontières commerciales. Et je crois que la petite ritournelle qui accompagne l'expansion de ce capitalisme, disons, néolibéral, avait toutes les chances de faire miroiter les promesses d'un rapprochement entre les peuples, de l'interdépendance pacifique des États et du recul de la pauvreté dans les pays émergents. Elle dissimule, me semble-t-il, de plus en plus mal la réalité de la guerre économique, des déséquilibres systémiques d'un libre-échange mondial qui ressemble fortement à un échange illégal, la pauvreté dans l'abondance et le sinistre d'un système plus aigre que tout.